Bonjour, bienvenue, c'est Joe Stoller avec une nouveau leçon Feldenkrais, prise de conscience par le mouvement. Et pour la leçon aujourd'hui, je vous invite de d'abord installer votre espace pour pratiquer sur le sol. Et après, de se mettre debout pour commencer aujourd'hui. De se mettre debout. Et de noter comment vous êtes sur le pied, le contact avec le sol, avec le pied. Notez quelle partie du pied touche le sol et aussi où vous avez plus un appui plus important, plus de poids. Est-ce que c'est plutôt vers l'extérieur du pied, vers l'intérieur, l'avant, le derrière, et peut-être c'est différent entre les deux pieds. Vous déplacez un petit peu votre poids sur un pied. Les autres peuvent avoir un petit peu d'appui, mais pas trop. Et de juste noter comment vous sentez sur un pied. Et après, sur l'autre pied. Et de noter s'il y a un pied qui semble plus stable ou où vous êtes un peu plus aligné. Notez si vous avez une sens de si c'est plutôt la arche des pieds, si l'arche est proche du sol ou plus loin du sol, ça veut dire la partie intérieure, vers la plus la partie au milieu entre les jambes, si cette partie des pieds est plus ou moins proche du sol, si vous avez une pas exactement une appui là-bas, mais peut-être c'est une sens de distance entre cette partie du pied et le sol. Okay. Et de laisser ça, et de commencer de marcher un petit peu. En marchant de la position, le mouvement de les jambes, le contact avec le sol. Essayez de noter s'il y a un pied ou l'autre sur lequel ils sont plus stables, plus dominés. Au niveau, si c'est plutôt la partie extérieure, intérieure du pied. Et de laisser tout ça et de rallonger le dos, allonger sur le dos. De noter le contact avec le sol. Et de remettre votre attention sur les pieds et les jambes. Notez quelle partie de talon droite touche le sol. Si le jambe est légèrement orienté vers l'extérieur, intérieur, une rotation de jambe. Et aussi, si on imagine une ligne qui est une extension de la direction de les pieds, des orteils, est-ce que les orteils sont orientés plutôt vers pas juste vers la plateforme sur le côté, mais aussi s'ils sont plutôt. Les orteils sont proches de la tête ou plus loin de la tête, une indication de quantité de flexion dans les chevilles. Et aussi de noter la même chose dans la jambe gauche, le pied gauche, cheville gauche. Si les orteils sont orienté plutôt vers le côté, plutôt vers l'intérieur. Ils sont plus ou moins proches de la tête. C'est un peu une manière de sentir nos habitudes quotidiennes, l'engagement qui reste dans les pieds. Et de continuer avec votre attention de sentir de manière que les hauts des jambes et derrière les genoux sont en relation avec le sol, plus ou moins proche, étalé. Et au niveau du bassin, s'il y a un côté du bassin qui est plus proche du sol, c'est-à-dire que peut-être il y a le bassin et une rotation du bassin plus ou moins vers la gauche ou droite. Contact avec le sacrum, le bas du dos ou l'espace entre le bas du dos et le sol. Haut du dos, en contact avec le sol. Et les épaules. Les deux bras. La tête, où elle touche le sol. Et la respiration. Si vous avez suivi la dernière leçon sur la respiration, dans différentes parties du torse, dans le ventre et la poitrine, le côté gauche et droite. Posez votre attention dans cette quatre parties du torse, les volumes intérieurs, juste avoir un petit moment d'ouvrir les possibilités d'avoir des sensations liées avec la respiration, juste un sens général des volumes dans cette région du torse. De laisser ça et de plier la jambe droite. Et si vous avez les jambes droites qui est beaucoup moins confortable ou plus à l'aise que la jambe gauche, vous pouvez changer les directions et commencer avec votre jambe gauche. En général, on fait ça dans la méthode et je vous invite à faire ça aussi aujourd'hui. C'est les un jambes qui fonctionnent un peu mieux à ce moment dans votre vie. Vous pouvez commencer avec cette jambe-là pliée et les autres longues. Et pour les jambes qui sont longues, si ce n'est pas confortable d'être complètement long, c'est bienvenu aussi de mettre un petit coussin juste sous le genou. Pas beaucoup d'épaisseur, mais qui peut être confortable et reste plus ou moins long quand même avec la jambe gauche. Ok. Et d'abord, juste noter où vous avez posé le pied droit, la distance entre le pied droit et le bassin, ou les fessiers. Et là, vous essayez d'appuyer avec la jambe, avec le pied droit, avec la jambe droite au sol, pour faire un mouvement de rouler le bassin un petit peu vers la gauche, et de revenir au milieu. Donc on appuie avec les pieds droits au sol pour rouler le bassin vers la gauche. Et le poids du bassin reste plus ou moins au sol. On ne va pas lever complètement le bassin, c'est de rouler le bassin. Donc on roule, on fait des petits mouvements. Et on ne force pas les choses. Et on fait plusieurs répétitions. Et on fait en conscience et assez lent pour sentir qu'est-ce qui passe. Et c'est aussi on fait lentement pour, et en répétition pour prendre du temps de noter qu'on commence d'envie de forcer quelque chose. Et à ce moment-là, dans la méthode, on dit, ok, ça c'est assez pour maintenant. Je reviens au neutre, la position du bas avec le bassin au sol, le pied appuie pas. Et je attends un petit moment et je refais le mouvement. Et on sent le changement des appuis au niveau du bassin, les colonnes vertébrales, va rouler aussi, différentes parties de torse va toucher le sol. Ok. Et le sens, comment votre jambe est alignée sur les pieds pour faire ça? Comment les genoux est en relation avec les pieds? Et maintenant de prendre une petite pause et de changer la position des pieds droits. Et on va continuer cette exploration, mais on va faire avec beaucoup de différents position de pied droit. On peut explorer l'alignement, comment ça change d'avoir les pieds dans différents endroits. Okay. On va commencer avec le pied droit un petit peu plus proche du bassin. Donc on met les pieds un peu plus proche du bassin et après on appuie avec les pieds pour rouler le bassin vers la gauche. Et on revient au neutre. Et après, on change de position des pieds un peu plus loin du bassin. Et chaque position est différente au niveau de l'angle de flexion dans la cheville, de manière que les forces vont traverser les os quoi. Arrive jusqu'au sol pour appuyer. Et donc tu fais un ou deux fois dans une position et après changer de position des pieds un peu plus loin, un peu plus proche du bassin. Justement pour sentir les différences, les différentes possibilités. Et de commencer de faire la même chose, mais de déplacer les pieds un petit peu sur le côté. Donc, un petit peu plus loin de le centre, ça veut dire qu'un peu plus vers la droite. Un appui, et sans les différences, ça fait un différent mouvement dans l'hanche, peut-être dans le mouvement du bassin même, peut-être il va bouger autrement avec un différent appui. Et aussi, les différentes positions vont offrir un sens de stabilité, d'alignement qui est différent. On peut changer plus proche de le milieu, plus loin, vers la droite. On fait un, deux fois, et après on change. Et beaucoup dans la méthode, on cherche différentes choses. On cherche que c'est confort. On cherche un alignement qui est juste pour vous, hein, pas pour les autres. Et aussi, on cherche de trouver une manière d'être assez aligné ou confortable dans différents alignements. Veillez les deux. C'est quel est confortable, un peu plus efficace, moins de force, et aussi comment on peut utiliser différents alignements et trouver un confort et une efficacité dedans. Vous pouvez mettre les pieds un peu plus proche du milieu, même presque de toucher le genou gauche, en proche de le genou gauche. Et ça va vraiment changer la possibilité, l'effort, peut-être limiter, on ne force pas les mouvements. Ok. Et prendre un moment de revenir au milieu et de trouver l'endroit où vous sentez que c'est le plus simple, le plus aligné. C'est un, deux fois là-bas. Et d'allonger la jambe droite et prendre un bon poil. Avec les deux jambes longues, sans la différence entre les deux jambes, le sens de confort ou contact avec le sol. Au sens de présence dans les deux jambes. Et de nouveau de plier la jambe droite, la jambe gauche et longue. Tu dois mettre le doigt pour poser le pied droit qui est pour vous confortable, stable. Et dans cette position, on fait un autre mouvement, on va commencer de lever les parties extérieures de pied droit. Et quand on lève les parties extérieures, les parties intérieures des pieds vers le grand orteil, l'intérieur de talon, ça va rester au sol. Et au début, on peut faire que le genou va basculer un petit peu vers l'intérieur en même temps. Ça veut dire que les pieds et les genoux vont bouger plus ou moins ensemble. Ça veut dire que le genou ne va pas rester vertical et on revient après au vertical, qu'on repose les parties extérieures des pieds droits. on répète ce petit mouvement. Et de, même si le genou va aller un peu plus vers l'intérieur, c'est que le mouvement de pied qui est initié, qui va initier le mouvement. Doucement. Et on va revenir au milieu. Et maintenant, on va faire autrement. On va faire un mouvement que maintenant, le genou va rester plus ou moins au même endroit. Et on lève l'extérieur des pieds un petit peu. Ça veut dire que c'est beaucoup plus un mouvement dans les chevilles, dans les pieds. C'est pas un grand mouvement. Le genou va rester plus ou moins vertical. On lève un petit peu l'extérieur du pied et après on repose. Prendre une petite pause. Si vous voulez, vous pouvez allonger même la jambe droite pendant la pause ou juste rester avec la jambe droite pliée. Petite pause. Et avec la jambe droite pliée, on met dans une position qui est assez confortable, comme vous pouvez, où vous pouvez appuyer pour rouler le bassin. Mais on va, cette fois-ci, on va lever un petit peu la partie intérieure des pieds, les gros orteils et l'intérieur des talons. Et on repose. Et d'abord, juste de noter quand vous faites ça, si le genou va partir un peu vers l'extérieur en même temps avec, juste spontanément. Ou si le genou reste vertical. Et faites le mouvement dans une manière que le genou va faire un petit mouvement vers l'extérieur. Avec les pieds. Même si c'est le pied qui va initier le mouvement. Pas un grand mouvement. Peut-être le genou va bouger que 10 cm. Peut-être moins, peut-être un peu plus. Et après de faire le même mouvement, de lève le... C'est pas exactement le même mouvement en fait. On lève l'intérieur de pied droit et on laisse les genoux plus ou moins vertical. Ça veut dire que c'est un peu plus un mouvement dans les pieds et chevilles. Et c'est un mouvement qui est plus petit. On fait délicatement, on force pas. Et laisse ce petit mouvement, une petite pause avec les jambes pliées, avec les jambes droites pliées. Et de fait, un mouvement dans chaque direction avec les pieds, ça veut dire qu'on va lever la partie intérieur du pied une fois, et après la partie extérieure du pied, Et d'abord, fais ça avec le mouvement des genoux. Ça veut dire que le genou va aller vers l'intérieur quand on lève la partie extérieure des pieds. Et quand on lève l'intérieur des pieds, le genou va basculer un petit peu vers l'extérieur. Et quelquefois avec les genoux qui restent vertical. Petit mouvement, pas très grand ni difficile. On force pas. Et on laisse ça. Au milieu avec le pied. Et on juste roule le bassin vers la gauche. On va appuyer un peu avec les pieds maintenant. Roule le bassin un petit peu vers la gauche. Reviens. Pause. Et allonger la jambe droite pour un moment. Prendre une pause. Noter comment les deux jambes sont au sol. Il y a aussi le contact avec le torse. Et de nouveau, on va plier les jambes droites. Trouvez une position qui est bien alignée pour vous, pour appuyer. Et on va rouler le bassin en appuyant avec les pieds droits. On va rouler le bassin vers la gauche. Et reviens. Et la prochaine fois qu'on roule le bassin vers la gauche, on va rouler la jambe gauche vers l'extérieur avec. Le bassin va commencer de rouler vers la gauche et on tourne un petit peu dans la jambe gauche pour les parties, la petite orteil gauche va aller vers le sol. On roule la jambe vers l'extérieur et après elle revient au neutre quand le bassin revient. Petit mouvement confortable. Ok. Et maintenant de rouler le bassin vers la gauche, mais de laisser la jambe gauche tranquille. Ça veut dire que il va pas rouler activement. Peut-être il va rouler passivement. Notez si vous avez une préférence, c'est plus facile peut-être de rouler la jambe gauche vers l'extérieur ou de laisser tranquille. Vous pouvez retester la rotation de la jambe gauche vers l'extérieur. De manière que les bassin rôle, mais aussi le confort dans le torse, dans le dos, dans la respiration, de manière que les forces traversent le bas de jambe, les chevilles, le pied, quelle partie du pied va appuyer. Ok, et de laisser ça, d'allonger les deux jambes, prendre une bonne pause. Notez s'il y a une différence entre les deux côtés de vous. Donc le fait qu'on pense là, sur notre développement comme une espèce, les jambes, les pieds sont très très importants dans notre déplacement dans le monde. Et on avait, dans notre évolution, les jambes étaient utilisées pour traverser les surfaces qui n'étaient pas du tout plates. Et en fait, toutes les mobilités des chevilles, des jambes et des pieds sont super importants pour notre stabilité générale. Et quand on pense à l'idée d'alignement, justement, c'est important de chercher un sens d'alignement qui est dynamique et adaptable. C'est aussi pour ça qu'on cherche de trouver un confort dans différentes positions des pieds, différentes manières qu'on peut utiliser notre squelette, notre muscle, et d'être disponible et efficace dans différentes situations qui est pas stable. C'est aussi pour ça que dans les leçons en général, il y a les mouvements qui vont après produire une sensation qu'on est allongé au sol, qui est plus confortable, qu'on se lève. Mais ce n'est pas juste pour avoir cette sensation, c'est aussi de un peu rééduquer ou de réouvrir les possibilités dans notre mouvement. Être plus capable d'adapter à notre situation, à notre environnement. Les inconnus, qu'on est en train de marcher, et tout d'un coup, il y a une partie de le chemin qui est un caillou, quelque chose qui n'est pas stable. On est disponible pour répondre. Ok, et on va plier l'autre jambe, la jambe gauche. Et on va commencer de rouler le bassin un petit peu vers la droite avec l'appui avec le pied gauche. Et du départ, on peut commencer d'explorer différentes positions des pieds, un peu plus proche du bassin, un peu plus loin. Et mais c'est pas juste pour répéter dans différentes positions, on change de position et on fait un mouvement pour sentir comment il est dans ce mouvement et aussi d'avoir le temps d'adapter à cette nouvelle situation en conscience. Donc on essaie avec le pied un peu plus proche du bassin, un peu plus loin. Et vous pouvez tester encore plus loin dans une direction, toujours avec l'idée qu'on ne fait pas un mouvement qui va solliciter une douleur, ou qui force les choses dans une direction, mais on peut explorer, on peut aller un peu plus loin qu'on avait imaginé que c'est possible, pour sentir comment il est là-bas. Peut-être il y a l'information à récolter là-bas. On peut noter que les différentes positions des pieds vont changer aussi le mouvement du bassin, le sens de la manière que le bas du dos va rouler vers le sol, comment la force va être transmise plus haut dans le torse, dans le dos, la rotation du dos, quelle côte aller vers le sol. Et on peut changer aussi avec les pieds un peu plus proches de la haute jambe, de la jambe droite, ou plutôt vers l'extérieur. Prendre le temps d'explorer plusieurs options. Si l'appui va aller plutôt vers le talon, quelle partie du talon? Vers l'avant-pied? De manière que la hanche va ouvrir et être engagée dans, avec différentes positions de pied. Ok. On va prendre une petite pause. Si vous voulez, vous pouvez allonger la jambe gauche. Ok, et de replier la jambe gauche, avoir la plante de pied au sol. Et cette fois-ci, de laisser le bassin plus ou moins tranquille et de lever un petit peu l'extérieur de pied gauche. Laisse le genou bascule vers l'intérieur avec. Et notez que c'est un mouvement qui passe aussi dans l'hanche. Petit mouvement. Peut-être le bassin va rouler un petit peu aussi avec, passivement. Et la jambe gauche va rester plus ou moins tranquille, orientée verticale. Et on lève l'extérieur de le pied gauche un petit peu. C'est un mouvement plutôt dans les chevilles, dans le bas de jambe, une petite... Et on force pas, c'est un mouvement qui est assez délicat. Petit. Ok, on le laisse et on fait une petite pause avec la jambe pliée si vous voulez, ou longue si c'est si vous voulez. Ok, de plier les genoux gauche de nouveau et de lever l'intérieur de le pied, le gros orteil, l'intérieur du talon. le genou pour basculer un petit peu vers l'extérieur. Et il revient au vertical, qu'on revienne avec les pieds plats au sol. Et de continuer, mais avec le genou vertical. Et après, de faire une fois vers l'intérieur et une fois vers l'extérieur, ça veut dire qu'on lève l'intérieur du pied et après l'extérieur du pied. Et c'est pour vous de différencier, d'explorer le mouvement du jambe avec ou si la jambe reste verticale. Donc, de prendre votre temps de faire. Fait le mouvement en conscience et de faire les deux, de rester avec les genoux vertical et d'avoir les genoux qui peuvent basculer avec le mouvement des pieds. Ok. Et de laisser ça et d'allonger les deux jambes. Une petite pause. Plier le genou gauche, plante pied au sol, et de rouler le bassin vers la droite avec un appui sur le pied gauche. Donc on appuie, on va orienter l'appui à travers le pied gauche qui dans la terre, direction du sol. Non. On peut explorer les différentes manières que la jambe droite est engagée avec ce mouvement. On peut rouler le bassin une fois vers la droite avec le genou droit qui roule avec, qui tourne vers l'extérieur activement. Même on peut rouler un petit peu plus la tête, peut-être vers la droite. On On revient au milieu. Et après, d'affaire avec aussi les jambes droites un peu plus tranquilles. Sans mouvement actif. On appuie avec les pieds gauches. Et on est toujours, même si on peut repartir avec un mouvement avec les pieds gauches dans une position, on a le droit de changer entre les différentes répétitions, de revisiter les différentes positions des pieds aussi. Peut-être il y a une, le genou va basculer un petit peu avec, au moins. Et on peut même revenir aux sensations de respiration. Qu'on roule vers la droite, si la respiration aussi va remplir différentes parties de la torse, le bas du ventre, la taille droite, la poitrine, différentes parties de poitrine. Différentes parties de le dos va appuyer, va rouler au sol. Ok, on va revenir au milieu. On va allonger les jambes gauche et les jambes droites. Ils sont de prendre une bonne pause. Sans votre contact avec le sol, le sens de présence dans les deux jambes, le bas du dos, le bassin. La position des pieds. Et de rouler sur un côté ou l'autre pour se mettre assise et après debout. Quand vous arrivez debout, sans votre contact avec le sol, l'alignement des jambes sur les pieds, le bassin sur les jambes, la poitrine sur le bassin et la tête. Et là, de commencer de déplacer un petit peu le poids sur un pied et l'autre. Sens de vitalité dans les jambes, alignement. Et de commencer de marcher un petit peu. Sens de stabilité sur les deux pieds. Le sens de facilité de mouvement des hanches. Disponibilité de torse. Si vous voulez, vous pouvez ralentir votre marche s'il y a des sens pour de faire ça pour vous, de passer un petit peu plus de temps sur un pied, après de poser les autres pieds pour plus sentir l'alignement sur chaque pied. Okay. Et ça fait une autre leçon pour le Feldenkrais. Cet enregistrement s'était fait à Mainz. Voici la 14, la 14 avril, juste après Pâques, lundi Pâques, c'est lundi Pâques. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous invite aussi de me contacter. Si vous avez le retour, je vous invite de me contacter. Soit par email ou téléphone. Merci beaucoup et passez une belle fin de journée. Au revoir.